Il a regardé mes seins, je me suis couvert. Je crois qu'il a compris que je lui plais. J'ai lavé mon chemisier. Et puis ensuite, je me suis couvé comme ça avec mes mains, comme si j'avais pas mon chemisier et souffrir. Il s'est fait brosser vers moi. J'ai senti son souffle. Je crois qu'il était déjà très excité. Au début, il y avait un malaise, mais il n'y avait pas de souffle à la suite. Je sais pas. On a pris un verre au minibar. Je parlais pas. Lui non plus, mais je savais qu'il avait envie de moi. Sa façon de me regarder. Il a regardé mes seins, je me suis couvert. On a